Aujourd'hui, donc, nous sommes dans cette belle fête de la Sainte Famille. C'est l'occasion de remercier le Seigneur pour nos familles. Je ne sais pas si vous le faites souvent. Est-ce que vous le faites souvent? Qui a déjà remercié le Seigneur pour sa famille? Il y en a qui ne sont pas sûrs. Eh bien, à la fin de la soirée, quand je vais reposer la question, vous pourrez tous lever la main parce qu'on va essayer de demander, dire merci au Seigneur pour nos familles. Certains se disent peut-être, mais pff, Seigneur, pourquoi je dirais merci pour ma famille? Ça marche juste pas dans notre famille. On est tous chacun de notre bord. Mon père est comme ci, ma mère est comme ça. Mon frère ou ma sœur, on se parle plus. Pourquoi je dirais merci? Alors, d'abord, parce que c'est le lieu quand même où j'ai reçu la vie, la famille. Mais, en fait, il y a une bonne nouvelle aussi pour chacune de nos familles, c'est que Dieu est venu spécialement pour les restaurer, hein, pour les revitaliser, réapporter sa vie dans nos familles. Il y a un passage dans le livre d'Isaïe qui dit « Je ferai de vous des restaurateurs de brèches. Je redresserai les murs de Jérusalem et je réparerai ces brèches, mais vous ferez partie de cette restauration de ces brèches. » Eh bien, le Seigneur, en un sens aussi, veut faire de nous et de chaque chrétien des restaurateurs de brèches de chacune de nos familles. Et en nous modelant sur la Sainte Famille, hein, qui nous est donnée en exemple et en modèle. Vous savez que Saint François de Laval, donc le premier évêque de Québec, qui était en fait le premier évêque d'Amérique du Nord, avait une grande dévotion à la Sainte Famille avant même que ce soit une fête pour toute l'Église universelle comme ce l'est maintenant. C'était d'une certaine façon un avant-gardiste. Monseigneur de Laval consacrait. Il voulait que les familles ici s'inspirent et se confient à la famille de Nazareth qui n'a pas eu toutes les choses faciles. Hein. Elle a dû se déplacer, fuir un massacre à Bethléem, s'en aller se réfugier en Égypte, ensuite gagner sa vie avec toutes sortes de précarités, de changements de lieu, de changements d'emploi. Donc elle n'a pas eu tout facile, la Sainte Famille. Et Monseigneur Laval voulait que les gens d'ici, où les hivers, entre autres, n'étaient pas très faciles, hein, la vie au Canada au début n'était vraiment pas facile, mais il voulait que on se greffe solidement à cette première famille, celle source de toute restauration et de toute grâce. La petite prière d'introduction, donc la collecte qu'on appelle, qu'on a lu au début de la messe, que je vous ai lu au début de la messe, je vais la reprendre parce qu'il y a un petit point sur lequel j'aimerais insister. Donc, tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie. On demande dans cette prière-là, accorde-nous de pratiquer comme elle les vertus familiales. Donc, on va s'arrêter quelques instants sur quelques-unes des vertus familiales possibles. Il y en a plein, hein, des vertus familiales. Mais je vais vous en présenter brièvement 10. Et pour les retenir, c'est toutes les lettres. Donc, je vous donne les lettres, les premières lettres de chacune. Il y a 10 lettres. Les lettres forment ensemble deux mots, SOS, famille. OK? C'est les vertus familiales, SOS, famille. Pour retenir les lettres des vertus, la première lettre des vertus, vous pourrez repenser au mot SOS, famille. Donc, les vertus qui aident et soutiennent la restauration de nos familles, la première, c'est le service. Hein, le service, c'est un vrai langage d'amour qui fait remonter le capital de bienveillance. Parce que souvent, à l'inverse, des fois, ben, on laisse l'une ou l'autre personne de la maison, souvent c'est un des deux parents, à faire tous les services pour tout le monde. Alors, souvent, ça fait baisser, hein, quand c'est une seule personne qui rend service. Le capital de bienveillance dans la famille, baisse pas mal. Mais si chacun fait un petit peu de service, et là, vraiment, ça fait remonter la famille comme lieu où il fait bon vivre. Donc, première vertu, disposition du cœur à rechercher pour notre famille, le service. Deuxième vertu, obéissance. Alors, ça, on le dit souvent pour les enfants. As-tu obéi à papa ou à maman? Mais attention, ce n'est pas juste la vertu des enfants, l'obéissance. Ça vient du mot latin audire, donc écouter. Savoir écouter. Hein? Et est-ce que notre famille, d'ailleurs, est-ce qu'on est une famille qui sait écouter l'autorité légitime? Ou est-ce qu'on est toujours rebelle contre toute autorité, contre toute loi, ou même contre le Seigneur? Ou est-ce qu'on sait écouter le Seigneur, la famille de la Sainte Famille, donc Marie-Joseph? Ils avaient le Fils de Dieu, alors, dans les mains. Ils auraient pu dire, on a le Fils de Dieu, on n'a plus besoin de suivre toutes les lois juives. Eh bien non, quand même, humblement, ils sont allés offrir l'offrande au temple qui était demandée pour le premier-né. Ils sont allés faire ce sacrifice des petites colombes ou des tourterelles. Donc, ils savaient continuer à obéir. Encore une fois, l'obéissance est une vertu qui requiert l'intelligence, hein? C'est-à-dire qu'il faut savoir toujours obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et même Jésus, à un moment ou l'autre, il a dit, ne saviez-vous pas que je dois obéir à mon Père, hein, qui est dans les cieux? Donc, il a replacé l'autorité, même de ses parents légitimes, quand même, dans sa juste mesure. Mais, quand même, c'est une vraie vertu. Sinon, l'inverse, l'anarchie, ce n'est pas chrétien, l'anarchie. Hein, anarché, sans principe. La vie n'est pas comme ça, la vie organisée, humaine, n'est pas comme ça sans principe. Jésus dira au contraire, toute autorité vient de Dieu, même si nos autorités sont quand même à purifier. Donc, S, O, service, obéissance. S, solidarité. Hein? Nos familles doivent être un lieu réel de solidarité. Et s'il n'y en a plus de la solidarité, je dois essayer d'en introduire à nouveau. On sait bien, la tentation moderne, c'est l'inverse, c'est l'individualisme. Chacun pour sa poche, chacun se débrouille. Et pourtant, on est une famille ensemble. C'est vrai pour notre famille humaine, mais même c'est vrai pour tous les êtres humains et nous aussi, l'Église. On est fait pour être solidaires. Hein, solidaires. Jean-Paul II disait, la solidarité, c'est le nom social pour la vertu de charité. C'est se tenir ensemble. La solidarité, il y a un autre mot qu'on connaît qui est familier, c'est solide. Une famille qui est solidaire va être solide face aux épreuves. Même s'il y a des vagues qui viennent pour ébranler l'un ou l'autre, eh bien les autres le tiennent et vont lui dire « Lâche pas, on est avec toi. » S.O.S. Service, obéissance, solidarité. Famille, maintenant. Première lettre, foi. Donc ça, c'est une vertu théologale, c'est-à-dire qui nous relie à Dieu et qui vient de Dieu, la foi. Hein? Abraham, on a lu, la première et deuxième lecture nous parlait d'Abraham, notre père dans la foi. La foi, c'est cette disposition du cœur qui sait faire confiance. Est-ce que dans notre famille, on sait faire confiance, se faire confiance les uns aux autres, mais encore plus, faire confiance à Dieu au point d'être audacieux, hein, comme Abraham, qui a quitté son pays, quitté sa terre à la demande de Dieu. Est-ce que notre famille porte ce signe de la foi? Est-ce que notre famille aussi est un lieu où on apprend à connaître Dieu humblement par la prière et par la foi? Demandons encore une fois à Dieu de l'introduire encore plus. Deuxième lettre du mot famille, A, donc cette autre vertu théologale, l'amour. L'amour, évidemment, c'est partout, mais l'amour, essentiellement, Jean 15, 13, Jésus nous dit, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'amour prend patience, l'amour en service. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Si j'ai pas l'amour, nous dira Saint Paul, je suis rien. S'il y a pas de l'amour dans notre famille, on est sec, hein, la famille est sèche. Donc, demandons à Dieu d'introduire ce don de soi, que soient les parents envers les enfants, les époux l'un envers l'autre, et les enfants même envers les parents, et même toute la famille entière, qu'elle se donne au service des uns des autres autour de la famille, donc dans l'Église et dans la société. F-A-M, famille, donc la miséricorde. La miséricorde. Souvent, il y a des grosses blessures qu'on s'est faites mutuellement, qu'on a subies ou qu'on a fait à d'autres. On s'aime, mais souvent, on s'est fait mal. Donc, ça prend la miséricorde. Ça prend, hein, il faut appeler, Seigneur, viens faire couler ton amour sur nos blessures et fais qu'on réussisse à se demander pardon. Que j'ai l'humilité moi-même de demander pardon, mais que j'ai aussi cette force de donner le pardon aux autres. Et de demander pardon, hein, souvent ici le matin, il y a des petites familles là, et je trouve ça très beau, souvent il y a des familles où je vois un peu tout le monde dans la famille vient. Donc il y a les parents qui viennent, mais il y a aussi les enfants, et finalement ça remet de la charité dans la famille, recourir ensemble au sacrement du pardon. Donc la miséricorde, une autre clé pour la restauration de nos familles. F-A-M-I, donc l'esprit d'initiative, en fait, l'initiative, hein, que nos familles soient un lieu plein d'Esprit Saint, plein d'originalité, mais d'originalité dans le Seigneur. Entre autres, là, on a des vacances, hein, vous êtes plusieurs d'entre vous êtes en vacances, en famille, ou même vous vous êtes offert des cadeaux. Est-ce que vous demandez à Dieu de vous inspirer pour vos vacances, pour les cadeaux que vous avez à vous faire? Je nous invite à nous laisser inspirer pour que ce soit vraiment, par exemple, des repos constructifs et qui nous unissent, ou des cadeaux qui rehaussent notre humanité. Mais demandons à Dieu d'avoir un vrai esprit créatif et un vrai esprit d'initiative plein d'Esprit Saint. F-A-M-I-L, liberté. Que la famille soit un lieu de vraie liberté, pas de contrôle indu, et en même temps un vrai lieu d'éducation à la liberté, parce que c'est pas inné la liberté, on est appelé à la développer. Donc cette liberté qui est cette capacité de choisir le vrai bien qui me convient, hein, le vrai bien qui me convient. Donc liberté aussi, même en famille, par rapport à tous les écrans, on sait que c'est une tentation moderne. La télé, l'Internet, nos iPods, nos iPhones, etc., nos Xbox, il faut être libre. C'est des instruments, c'est pas mauvais en soi tout ça, mais il faut être libre, c'est-à-dire il faut être capable de les mettre de côté de temps en temps. Est-ce que ma famille est un lieu où je sais mettre ces instruments de côté parfois pour un bien plus grand qui est la personne, la relation avec la personne devant moi? F-A-M-I-L-L, il y a un autre L, loyauté. La loyauté, hein, la vertu de loyauté, de la justice. Donner à chacun sa place dans nos familles. Être des gens de parole, non pas des gens qui se parlons dans le dos et qui faisons des petites magouilles dans le dos les uns des autres, mais des gens loyaux. Hein, que nos familles soient des vrais lieux où on apprend à être des gens de parole. Quand vous dites oui, que ce soit oui. Quand vous dites non, que ce soit non. C'est quelque chose qui s'apprend. Et demandons à ce que nos familles, de plus en plus, ce soient des vrais lieux de loyauté. Essayons nous-mêmes d'être loyales dans nos familles. Et enfin, dernier mot du mot famille, qui commence par E, donc espérance. C'est la troisième des trois vertus théologales. L'espérance. Et cette vertu qui nous plonge, qui nous oriente vers la fin, la finalité, à notre famille, elle est orientée, elle a une direction, et cette direction, c'est d'aboutir à la maison bienveillante de Dieu. C'est le ciel, notre destinée commune. Nous sommes en chemin, en pèlerinage. Donc, mais ayons de l'espérance d'arriver ensemble, hein. Ce serait triste de pas être ensemble au ciel. Qu'il y en ait qui soient par en bas, puis d'autres, le party, il me semble, il serait moins le fun si on n'est pas tous ensemble. Hein? Désirons le ciel pour toute notre famille. Et donc, n'enfermons pas dans ses défauts l'une ou l'autre personne de notre famille, puis dire, il changera jamais. Hein? Espérance. Ne désespérons pas de la puissance, de la grâce de Dieu. Donc, je répète, SOS famille, service, obéissance, solidarité, foi, amour, miséricorde, initiative, esprit d'initiative, liberté, loyauté et espérance. Soyons, frères et sœurs, de par notre baptême, Dieu nous le demande, soyons des restaurateurs de famille. La nôtre, faisons ce qu'on peut en demandant la grâce à Dieu, mais aussi les familles autour de nous. Soyons des artisans de ce jour nouveau, de cette paix que Dieu veut donner à notre monde par la famille. Amen.